Le musée Rodin de Paris est situé dans le 7e arrondissement de Paris et comme son nom l'indique, il expose les œuvres d'Auguste Rodin ainsi que celles de sa collection d'œuvres personnelles, mais aussi les œuvres de Camille Claudel qui a beaucoup collaboré avec l'artiste. En tout, les deux musées Rodin, à Paris et à Meudon, conservent une collection de plus de 30 000 œuvres constituées de sculptures, dessins, estampes, peintures et photos. Le musée Rodin de Paris est situé dans l'hôtel Biron, construit en 1732. Le bâtiment était à la base un hôtel particulier construit par le financier Abraham Peyranc de Maurras et les plans de la construction sont aussi suivis par l'architecte du roi Jean Aubert. Abraham Peyranc de Maurras meurt avant la fin de la construction de l'hôtel, mais sa veuve le loue à partir de 1753 au maréchal de Biron qui donnera son nom à l'hôtel. Il aménage aussi les jardins en doublant la superficie. Les locataires et propriétaires se succèdent ensuite jusqu'en 1820, lorsqu'elle est vendue à la Société du Sacré-Cœur de Jésus, qui, dans le but d'en faire un établissement pour jeunes filles, en modifie drastiquement la décoration intérieure et les jardins. La Société du Sacré-Cœur de Jésus est dissoute en 1904 et contrainte d'abandonner ses biens immobiliers. C'est là que l'hôtel Biron commence à être loué à des artistes, dont Auguste Rodin, mais aussi Jean Cocteau ou encore Henri Matisse. À partir de 1911, Rodin occupe tout le bâtiment. L'État s'engage en 1910 à acquérir l'hôtel Biron pour y installer un nouveau lycée et un bâtiment civil du ministère. Mais Rodin propose de faire don de toutes ses collections et œuvres à l'État en échange de l'aménagement d'un musée dans l'hôtel. Le musée est inauguré en 1919 et classé monument historique en 1926. Il prend place dans l'hôtel Biron, mais aussi dans les jardins où sont exposées nombreuses œuvres de Rodin, telles que Les Bourgeois de Calais, La Porte des Enfers ou encore Le Penseur. Ainsi, le musée de Rodin est l'un des musées français les plus importants, avec plus de 700 000 visiteurs par an.